pouvons nous tenir debout, nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire ensemble ces trois versets. Psaume 133, Cantique des Degrés de David. Nous lisons à partir de son premier verset. La Bible dit: voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous voulons bénir le Seigneur dans sa présence. Il nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ici que Dieu envoie sa bénédiction. Je veux te dire déjà que ce matin, Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension de communion avec lui. Alors, ouvre ton cœur ce matin. Vois le Seigneur. Ne vois pas tout ce qui t'entoure. Élève ta voix. Commence à le bénir. Dieu au milieu de nous. Lorsque nous demeurons ensemble, lorsque nous sommes ensemble dans sa présence, lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous tournons vers lui, ses regards, il est là. Bien-aimé, bénis le Seigneur ce matin. C'est un culte de bénédiction. C'est un culte de grâce. Dieu va essuyer tes larmes. Commence à le bénir. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Commence à le bénir. La puissance. Alléluia. Sois la gloire pour toi. Oh, merci Seigneur. Qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Dans ta présence. C'est ici le lieu de ma bénédiction. Je veux te bénir ce matin. Pour la vie. Je veux te bénir ce matin. La puissance est toi. Sois la gloire pour toujours. À toi, sois le règne à toi. La puissance est toi. Sois la gloire. Quelque chose de la part du Seigneur ce matin. Tu vas disposer ton cœur devant le Seigneur. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sois disposé ce matin dans l'assemblée des saints à soifer. Dispose-toi ce matin que ton onction. C'est un Dieu de nouvelles dimensions dans ta vie. Dans l'assemblée des saints. C'est un Dieu de nouvelles dimensions dans ta vie. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est entre des tes mains. Que ton onction descend sur moi. Yes. Au nom de Jésus, il y a une promesse. prophétie. Tu ne vas pas échouer. Il y a une prophétie. Confesse-le, confesse-le, confesse-le, confesse-le sur ta maison, sur ton ministère. Confesse-le ce matin au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Confesse-le ce matin, confesse-le ce matin. Oh, dans sa présence, il y a les miracles. Dans sa présence, il y a la guérison. Dieu agira sur base de ce que tu vas confesser ce matin. Confesse. Je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai. Je sais que tu es toujours présent dans ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Alors on va nous projeter Matthieu chapitre 6, nous allons confesser ensemble cette prière. Matthieu chapitre 6, le verset 9, Jésus qui nous montre comment nous devons prier. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici comment nous devons prier tous ensemble. Élevons nos voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettons pas. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est un culte de bonnes nouvelles. Tu souhaites des bonnes choses à celui qui est à côté de toi, au bonne nom chose. De Jésus. Bonne chose. Partage la joie dans la maison de Dieu. Sois libre, tu es. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons bien le Seigneur ce matin. Il est digne de notre louange. Alors nous allons nous tenir debout. Ensemble, nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Alléluia. Solo e pesi kimia go nanga kumisa yo, yawe yawe yawe ozali zambe. Molimo nanga kumisa yo, yawe yawe yawe ozali zambe. Molimo nanga kumisa. Sibelisa, motema nanga nusu yawe, zambe nanga. Yawe yawe yawe ozali zambe. Molimo nanga kumisa yo, yawe yawe yawe ozali zambe. Molimo nanga kumisa yo, yawe yawe yawe ozali zambe. Molimo nanga kumisa yo. Sibelisa, motema nanga nusu yawe, zambe nanga. Otala tine. Somebody Nous avons des raisons de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, qui t'a donné la vie? Dieu. Qui s'est souvenu de toi? Qui t'a donné de bonnes relations? Qui t'a donné la santé? Qui a payé pour toi des habits? Qui t'a donné un boulot? Qui t'a donné une belle femme? Qui t'a donné des beaux enfants? Qui a fait de toi pasteur? Qui t'a donné le ministère? Qui va faire encore? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, tu n'as pas encore acclamé le Seigneur. Quelqu'un n'a pas encore compris. Attends. Vous savez, il y en a qui s'attendent aux hommes. Mais nous nous attendons à qui? C'est Dieu qui donne le souffle. C'est Dieu qui donne tout. Est-ce que nous pouvons exagérer avec les acclamations? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en qui? Qui n'est plus condamné? Qui n'est plus condamné? Qui sent qu'il n'est plus condamné? Qui sent qu'il n'est plus dans la prison? Oh, c'est celui-là qui va acclamer le Seigneur. C'est celui-là qui va élever le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Celui qui nous a délivrés. Celui qui nous a libérés. Nous sommes dans la joie ce matin. Oh, la joie du Seigneur est grande. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame-le. Il aime le bruit. Il aime que tu l'acclames, il aime que tu l'élèves. C'est le Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin. Oh, il est puissant. J'aimerais provoquer le cœur de quelqu'un ce matin. Il dit, quand nous les louons, même nos chaînes sont brisées. Il y en a qui attendent la prédication. Mais moi, je sais que celui qui est disposé ce matin, quelque chose arrive dans sa vie. Celui qui est disposé ce matin, Dieu est en train de le toucher. Celui qui est disposé ce matin, regarde d'abord tes mains, demande à tes mains, qu'est-ce que tu fais mes mains? Si Dieu t'a donné tes mains là, c'est pour l'acclamer, c'est pour le célébrer, c'est pour le louer. Oh frères et sœurs, sois disposé ce matin, acclame le Seigneur, élève-le ce matin. Oh, il est un Dieu puissant, il est un Dieu grand ce matin. Oh, acclame-le ce matin. Nous avons une minute, nous le célébrons. Nous le célébrons avec nos mains. Celui qui veut sauter, il saute. Celui qui veut parler, il parle. C'est un Dieu que nous devons célébrer. C'est un Dieu que nous louons. Oh, il est le Dieu de nos vies. Il est le Dieu de nos exploits. Il a confondu nos ennemis. Oh, il est notre Dieu ce matin. Gloire lui soit rendue ce matin. Oh bien-aimés, c'est ça dans la présence de Dieu. Nous sommes libres, nous pouvons reprendre nos places. Alors pendant ce temps, j'aimerais inviter notre papa. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Alléluia. Amen. Toute la semaine, vous êtes là dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, c'est un jour de louange, d'action de grâce. Et nous allons partager la table dans cette ambiance-là. En louant les Seigneurs parce que c'est vraiment une table de restitution ce matin. Alléluia. Amen. Alors, je suis dans la joie de vous présenter quelques amis. Ils sont musiciens qui sont venus de Kinshasa, d'autres de Lubumbashi, mais c'est des frères très bien. Je bénis le Seigneur qui nous bénit toujours avec des serviteurs de Dieu. Alors, le frère Enoch Junior Yamba, il peut s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Enoch. Et il chante très bien. Commence déjà à monter pour prendre le micro. Ils vont t'accompagner, etc. Il n'est pas venu seul, effectivement. Il y a le frère Meshach. Il accompagne déjà. Et il y a le frère Gloire. Lui, il s'appelle Gloire Sacerdoce. Aïe! Tu as un très bon nom. Que Dieu te bénisse. Ils sont accompagnés d'un frère à moi, brave. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut aussi l'accueillir dans la maison de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Il chante très très bien. Vous connaissez la plupart de ses chansons, certaines de ses chansons. Alors, je vous laisse le temps d'apprécier. C'est donc 10-15 minutes. Nous louons le Seigneur avec toi. C'est bon? Merci, frère. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alléluia. Je suis parfois timide. Est-ce que tu peux manifester la joie? Tu me donnes comme impression que tu... Est-ce que tu peux... Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'acquitter de certaines responsabilités et dire un grand merci à papa. Papa, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très béni. Je suis très honoré vraiment. Et merci aussi à maman. Moi, Dieu m'a déjà fait grâce. Je suis marié. Je sais qu'il y a certaines décisions. Il y a que la femme qui peut aussi compléter un mot et dire, non chérie, je pense que tu peux inviter aussi ses frères-là. Donc je crois que maman aussi a dit quelque chose. Vraiment, merci beaucoup maman. Je suis très béni. Merci. Alors ce matin, nous sommes là pour adorer Jésus. Je ne suis pas venu ici en une star, je suis venu ici en serviteur de Dieu, en esclave de Jésus. Je suis venu ici pour rendre ministère à celui-là qui s'est sacrifié à la croix pour nous sauver, pour me sauver. À celui-là dont la Bible me dit dans Romains 8, le verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, et nous avons vaincu l'ennemi, comme Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je sens la présence de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire quelques mots à Dieu? L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Ça peut être au moyen d'une chanson, tout comme tu peux le faire avec les paroles. Alléluia, Jésus, tu es élevé en ces lieux. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Adonai, ah, Yesu. Yosanzambe, lokoloazate. Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu. Est-ce que tu peux seulement élever le nom de Jésus? Juste le nom de Jésus dans ta vie. Aya bahatama la paria tamini asobe etenge zomiria panige. Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. Tu es ajouta la matante. Emmanuel, Emmanuel, Dieu de lumière, de lumière. Dieu de lumière, élevé. Gloire. sigalo la polele atanaye bamalebele nabeta kokoko asumi maboni eloba polele nazana droit ya kuluka nzambe abo kwato na tongo utigalo la polele atanaye bamalebele Tamani atu zabaya, kuna mara sata lebe kete lebe sata. Eri anda la mara tu lebe la katia. Shala bara bara bara bara bara bara bara bara bara. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth Utigalola Bulele Atanaye Nayena miti Nayena tongo Nazo parler en langue Nazo yemba na français Oyo kaganga Same yalole Shada da da da bas. Moya no lie. Moya no lie. Tu fondes mon âme. Cours de rivière. Rivière des eaux de la vie. Ia, ia, tu fondes mon être. Coule de fleuve. Fleuve des eaux de la vie. Ia, ia, ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux élever? Élevez Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. J'aimerais entendre seulement l'église avec un fond du piano. Chante Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Tu es. Élevé au-dessus de maladies, Élevé au-dessus de la sorcellerie de la famille. Proclame le nom de Jésus. Jésus. Jésus. Tu es au-dessus de tout. Est-ce que tu peux encore le proclamer? Jésus, Jésus. Jésus, tu es au-dessus de tout. Saint, oh, éternel, Dieu de louange, digne, digne de honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône, sur le il règne à jamais. Oh, Saint, Saint, Saint. Maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous voulons lui dire mon yoki lo sambo na beleli yo. Oya no langa. Yemba ngonanga. O mon yoki e. Lobango lisusu moyo kilo sambo. Ah, Oya nola. Tala na busa ni bembeni Yesu. Belele. Oh. Belela ba papa e. Belele. Oh. Belela ba papa e. Belele. Tu vas dire avec moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, nous venons à toi, belle est là, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi, na Maria Miso, nous venons à toi, Totiki Bandaku, nous venons à toi, Belela Yahweh, Yahweh, Yahweh. Avec nos familles, nous venons à toi. Totiki Mabota, nous venons à toi. Totiki Mabota, nous venons à toi. Mabala Malonga, Yobombe la banane. Voyage Malonga, Yobombe la banane. Motema Nanga, Sandugwa Milelo. Motema Nanga. Sandugwa milelo, nous venons à toi. Mabala malonga yo bombe la banane, nous venons à toi. Maintenant tu vas, ah si j'accole la natiginano, Yahweh ton bois manan. Si j'accole la natiginano, Yahweh ton bois manan. Si j'amadanga natiginano, Yahweh ton bois manan. Oh si j'asseliba natiginano, Yahweh ton bois manan. Si j'agole la totique na noue, tu vas dire aïe, aïe, aïe, Shabbat. Shabbat, ne faut ma cause. Oh, dis-le bien, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Shabbat, ne faut ma cause. Oh, oh, aïe. Oh, nakati ya losambo, akosala, ya ya e. Nakati ya losambo, akosala, ya ya e. Oh, nakati ya losambo, akosala, ya ya e. Nakati ya losambo, akosala, ya ya e. Oh, nakati ya losambo, akopesa, oyo na luka na vie. Nakati ya losambo, akosala. Oh, ya ya denga Yesu. Amina lele, go. Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, le. Aye, lele, oh Amina lele, Amina lele, le. Aye, lele, Emungu, Emungu wetu, oh. Emungu. Mungu Tiago Amina lele Oh Amina lele Atata atata atata atata go Atata la majesté ivoire O milombelo ya Milombelo ya mie Milombelo ya mie Milombelo ya mie Milombelo ya mie O senga yo yo Senga yo lele Senga yo lele Senga yo lele acclamer très fort pour... Oh gloire au Seigneur. Amen. Quelle adoration. Adoration. Oh frère Yannick, que Dieu te bénisse abondamment. Élève ta voix. Bénis le Seigneur, recommande-toi au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Ta présence nous change. Alléluia. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur parce qu'il me fait du bien. Oh, merci. Oh, Jésus, merci. Oh, sois élevé, Seigneur. Oh, merci. Oh merci. Oui, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Recommandons au Seigneur ce matin. J'aime ta présence. Jésus est mon roi. J'aime ta présence. Oh merci Jésus. Toi mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Nous te bénissons ce matin parce que tu es merveilleux. Nous aimons ta présence, Seigneur. Sois béni. Sois élevé. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Alléluia. Amen. Juge 6, 6 et Juge 8, 28. Nous commençons par là. Juge chapitre 6, le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils crièrent à l'Éternel parce qu'ils étaient malheureux. Et Juge 8, 28. Juge 8, 28, nous lisons. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il n'éleva plus la tête. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous recommandons tous les cœurs en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de la restitution. Alléluia. Amen. Après une semaine où nous avons prié le Seigneur, après une semaine, nous avons compris qu'il y a des domaines sur lesquels le diable et l'ennemi met sa main dans nos vies. Nous avons parlé des hôtels dans nos familles. Nous avons parlé de nos relations, nos réputations. Nous avons parlé de la santé. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre. Mais quand l'ennemi a mis toutes ces choses sur nous, il arrivera toujours un jour. Et je crois que ce jour c'est aujourd'hui. Ou quand tu as levé la main sur l'ennemi, je commence à te restituer. Restituer, c'est remettre des choses qui te manquent. C'est remettre les choses qui te devaient. Alléluia. Amen. Israël était humilié et malheureux. Israël a l'air de pas tuer Haya, comme mon yole. Personne en Israël, akuna mutu mu Israeli, ne pouvait imaginer. Aliweza kufikili qu'un jour les choses pouvaient changer. Kama siku moja mambo yanaweza kubadilika. Tu vis peut-être une situation ce matin. Baringa unaisi hali moja siku ya leo. Tu as l'impression qu'après cette situation, il n'y a plus rien d'autre. Tu as l'impression que ça ne peut pas changer. Oh bien-aimé, je vais te dire une bonne nouvelle ce matin. Ça va changer. Parce que le Dieu que nous servons, il est capable de te remettre tout ce qui manque dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu donne des choses. Dieu donne. Oh frères et sœurs, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Mais savoir que nous avons un Dieu qui donne. Mais Dieu donne des choses. Quand tu pries le Seigneur, attends-toi à recevoir quelque chose. Marc chapitre 11, verset 24. Vous connaissez ce verset. Marc 11, 24. Dieu donne des choses. Mungu analeta vitu. Il donne des choses. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu donne. Il n'y a pas que l'ennemi qui donne. Dieu donne les choses. Depuis l'Ancien Testament, ils ont compris ce principe. Nous avons un Dieu qui donne. Et je prie le Seigneur ce matin. Tout ce qui manque dans ta vie, ce matin, aujourd'hui, que Dieu t'en donne au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. J'aime un verset dans la Bible. Avant d'entrer dans le vif de mon message, Psaume chapitre 2. Verset 7 jusqu'à 9. Oh, j'aime. La Bible dit ceci: je publierai le décret. Le décret de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout le monde sur la terre. Dans notre pays, n'en parlons même pas. Tout le monde attend les ordonnances. Tout le monde attend un décret. Oh, la Bible dit, je publierai aujourd'hui le décret. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de publier des décrets dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Quand nous parlons comme ça, c'est là qu'il y a des hommes et des femmes de foi. Tu reçois ton décret. Oh, je reçois mon décret au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est un décret. Donc, signé par l'autorité suprême, publié au journal officiel de Dieu et que personne ne peut révoquer. Le décret de l'Éternel. Nous avons un Dieu de décrets. Oh, je prie ce matin que Dieu manifeste ses décrets dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 10 domaines sur lesquels l'ennemi met sa main dans nos vies pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Alors, pour être dans la même logique, je vais parler ce matin de 10 choses que Dieu va restituer à quelqu'un ce matin. Tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Disons, je vais aller très vite. Reçois cela par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ont manqué dans la vie de quelqu'un. Dans l'histoire de la Bible, il y a des choses qui nous ont manqué. Et vous allez voir, chaque fois que ces choses manquaient, Dieu venait et restituait. C'est pourquoi je crois ce matin que Dieu va nous restituer les choses qui nous manquent au nom de Jésus-Christ. Alors je vais dire à la technique d'avancer avec moi, parce que nous parlons de 10 choses. Jean chapitre 2 verset 3, et nous irons toujours le même chapitre 2 verset 7 et 9. Verset 3: le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin a manqué ce jour-là. Ils n'ont plus de vin. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau les vases et les remplir jusqu'au bord. Oh, ça j'aime. Il est rempli jusqu'au bord. C'est comme ça que Dieu doit faire. Je prie ce matin, Dieu va remplir ta vie jusqu'au bord. Pas au milieu, pas un quart, pas la moitié, mais jusqu'au bord. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Car l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Oh, les gens vont goûter ce que Dieu va mettre chez toi ce matin. Psaume 104, verset 15. Et je voulais parler du premier point de la première chose. Psaume 104, le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Le vin est symbole de la joie. Je prie le Seigneur ce matin. Il y a des gens qui n'ont plus de joie. Le cœur ne plus réjoui. Ce matin, le Dieu que nous servons, il m'a dit de faire des décrets. Je décrète ce matin, au nom de l'Éternel, la joie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit rempli de joie. Il y a des gens ce matin. La joie a tari. Il manque de joie. Au milieu de leur famille. Dans leur vie. Comme ce jour-là à Cana. Quand il n'y avait plus de vin. Marie a suivi Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de joie. Seigneur, ils n'ont plus de joie. Laisse ce matin que ta joie soit répandue dans le cœur de tes enfants. Recevez la joie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme qu'ils ont rempli de l'eau. Ils ont rempli jusqu'au bord. Oh, je prie ce matin que le Seigneur remplisse la joie dans ton cœur jusqu'au bord. Parce que quand ça sera au bord, ça va couler à l'extérieur de ta vie. Toi aussi, tu vas répandre la joie autour de toi. Les gens ne donnent pas la joie parce qu'ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Nous manquons de joie. Parce qu'il n'y a personne pour nous en donner. Et il ne nous en donne pas. Et nous n'en donnons pas. Parce qu'ils n'en ont pas. Je prie ce matin que Dieu te donne de la joie. Et que tu communiques cette joie aux hommes. Bien aimé. La vie a besoin de la joie. Charisme, ça bien été. Charisme. Afana. Hein? Tu as compris. Hein? C'est quoi le charisme? Très sérieux. Hein? C'est pas bien. Alléluia. Amen. Recevez la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième chose que Dieu donne, la santé et la vie. Afia na bujima. Exode chapitre 23, verset 25. Donc 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25 et Jean 10, 10. Jean 10. Ça, vous connaissez, Exode chapitre 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut donner. Dieu est capable ce matin d'éloigner la maladie dans ta maison. De te donner la bonne santé. De te donner la vie. Oh, c'est pourquoi on a dit dans Jean 10, 10. C'est le bon berger. Ça, David n'a pas connu. Mais le bon berger est Jésus-Christ. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Bien-aimé ce matin, je prie le Seigneur Celui qui est malade ce matin, avant de quitter ce lieu, que la puissance de Dieu te touche et que tu sois guéri. Si ta vie a des problèmes, reçois la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Dieu que je sais, le Dieu que je connais, il ne donne rien sans abondance. Alléluia. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve. Oui. Il ne donne jamais rien sans abondance. Jamais rien. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Vous allez voir ce que Dieu fait. 1 Timothée 6 17. 1 Timothée 6 17. Recommande recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, parce que la richesse amène généralement les gens à l'orgueil, et ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Quand on a l'argent, ce risque existe et il est permanent. C'est comme ça que Dieu dit, mettez cette espérance en Dieu. Qui nous donne, j'aime ça. Dieu, il fait quoi? Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous parlez comme ça. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que Dieu peut te donner, si Dieu te donne la santé, c'est avec abondance. Si Dieu te donne l'argent, c'est avec abondance. Si Dieu te donne la joie, c'est avec abondance. Dieu te donne toutes choses avec abondance. Pas pour te faire souffrir, mais pour en jouir. Ce que Dieu te donne, toi te donner de la joie. Troisième chose que Dieu nous donne, Dieu donne aussi la nourriture. Je parle de la joie. Je parle de la vie et de la santé. Je parle de la nourriture. Jésus a fait autant de miracles pour donner la nourriture aux gens. Il a compris pourquoi quelqu'un vive bien. Il a besoin de la nourriture. Il y a des bien-aimés avec qui nous sommes dans l'église. Même manger est devenu difficile. Mais ils sont là en train de louer, d'adorer Dieu avec nous. Oh, ma prière ce matin, que le Dieu que nous servons puisse te donner de la nourriture avec abondance. Au nom de Jésus. Finalement, l'abondance, c'est quoi? C'est quoi l'abondance? Mettez d'abord Job chapitre 36, verset 31. Pour voir comment Dieu donne de la nourriture. Je ne veux pas parler de tous les miracles que Jésus a accomplis, on n'a pas le temps. Job 36, verset 31. Job 36, verset 31. Par ses moyens, il juge les peuples. Et il donne la nourriture avec abondance. Je prie le Seigneur. Tu ne vas pas seulement manger aujourd'hui. Tu ne vas pas seulement manger demain. Bien-aimé, tu mangeras parce que Dieu va donner de la nourriture avec abondance. L'abondance, c'est quoi? Je vais poser moi-même la question, c'est quoi l'abondance? L'abondance. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui parlent français, anglais, vous connaissez toutes les définitions du monde. Mais je pense que l'abondance, c'est quelque chose qui est disponible, qui est toujours disponible et en quantité et en qualité. Si c'est la vie, la vie sera toujours disponible en quantité. Si c'est l'argent, l'argent sera disponible. On n'a pas dit beaucoup. On dit avec abondance. C'est-à-dire que ça sera toujours disponible. Quand tu en auras besoin, ça sera là. Et en quantité nécessaire pour résoudre ton besoin. C'est ça l'abondance. Oh, je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu te donne de la nourriture avec abondance. Chez toi à la maison, tu ne manqueras pas la nourriture. Tu donneras toujours. Ça ne s'épuisera jamais dans la maison. Élie déclare à la veuve de Sarepta. L'huile ne se terminera jamais, la farine non plus. Il mangeait toujours, tu mangeras toujours. Même quand il y aura la crise, je déclare ce matin, dans ta maison, il n'y aura pas de crise. Dans ton grenier, il n'y aura pas de crise, parce que nous servons un Dieu qui donne de la nourriture avec abondance. Et si tu as la foi, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Dieu donne. J'allais dire quoi? De la richesse. Oh, ça c'est merveilleux. Beaucoup de gens pensent que pour être riche, ils vont dans des choses compliquées. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a tout créé sur la terre. Il est capable de t'enrichir. Agé chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi. Feza. Et l'or est à moi, dit l'Éternel. Dieu fait expressément de parler de l'argent et de l'or, de choses stables. Une richesse stable. Il y en a qui pensent que être riche, c'est avoir beaucoup de dollars ou de francs. Dieu parle de l'or et de l'argent. Des choses stables. Il dit, c'est à moi, Dieu. Oh, je prie le Seigneur ce matin. Qu'il y ait des hommes et des femmes à qui Dieu va donner l'argent, à qui Dieu va donner l'or, à qui Dieu va donner de la richesse. Et si tu crois que Dieu est capable de le faire, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Dieu sait enrichir les gens. Alléluia. Amen. Dieu sait enrichir les gens. On ne va pas lire. Mais dans 1 Roi chapitre 3, Salomon, Suleiman. Dieu pose la question à Salomon, que tu veux que je te donne? Salomon dit à Dieu, tu as usé de beaucoup de bonté envers mon père. Maintenant moi je deviens roi. Je suis jeune. J'ai besoin de la sagesse. Comme Dieu est très sage, il dit à Salomon, je te donnerai de la sagesse que tu as demandé. D'abord, la Bible nous dit que cette demande plus. Plus à l'Éternel. Si on dit que c'est des demandes plus à l'Éternel, c'est aussi des demandes qui ne plaisent pas à l'Éternel. Et Dieu dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Donc, il y a des gens, quand ils prient, ils demandent la mort des ennemis. Seigneur, tue mon ennemi. Tu le voisin là. C'est lui qui me dérange. Tu mon mari, tu ma femme, tu mon oncle, tu ma mère. Non, non. Dieu dit que cette prière plus à l'éternel. Puisque tu n'as pas demandé une longue vie, il pouvait demander la longue vie. Ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Et tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, je te donne. Il donne la sagesse. Mais la Bible me dit quelque part, je ne sais plus, tu es au verset 13 ou 12, je ne sais plus. Mettez un peu le verset 12. 13. Ok, 13. 12. Je te donnerai en outre ce que quelque part. Ce que tu n'as pas demandé. Mettez le verset 13. Voilà. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses. Et de la gloire. Dès qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Écoutez très bien. Je vais dire deux, trois petites choses et puis on va passer. Salomon est roi. Donc la richesse que Dieu lui a donnée, il ne pouvait que le comparer aux autres rois. Semblable. Même classe, même génération. Bien aimé, si tu sers le Seigneur, Dieu peut te bénir au milieu de ta génération. Alléluia. Amen. Il peut te bénir au milieu de ta génération. Il peut te bénir au milieu de tes collègues pasteurs, de tes collègues anciens, de tes collègues ingénieurs, de tes collègues médecins, de tes collègues choristes, de tes collègues chrétiens. Dieu donne de la richesse. Et la deuxième chose qui montre la sagesse de Dieu. C'est pourquoi on doit prier aujourd'hui que Dieu nous donne de la richesse. Salomon a demandé la sagesse. Dieu a compris que la sagesse sans argent. Hein? On ne peut pas t'écouter. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Bon, je ferme la parenthèse. Dieu a compris. C'est vrai que Dieu, tout de suite, Dieu a dit à Salomon. Pour qu'on accepte ta sagesse. Parce que juste après, il y a une reine. Vous voyez déjà, il y a une reine qui est venue. Et si Salomon n'avait pas l'argent, même sa sagesse devait être méprisée. Beaucoup de gens sont intelligents, prient, sont sages, mais sont méprisés. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas la richesse. Laissez-moi dire ces choses. Ici en RDC, il y a des vrais prophètes. Des vrais. Qui ne sont pas à Kinshasa. Qui ne sont pas à Lubumbashi. Qui ne sont pas à Likasi. Qui sont quelque part. Mais comme ils n'ont rien, on méprise même leurs prophéties. Est-ce que je mens? Bon, on ne veut pas souvent dire ces choses. Mais c'est la vérité. On pense que non, les vrais prophètes à Kinshasa, c'est aux États-Unis. Non. Eux, regardez, tous les prophètes là, les pasteurs, on croit. Parce qu'ils viennent en limousine, ils sont habillés en veste comme moi. Frère, il y a des prophètes. Il est en culotte, il n'a pas de chemise. Mais il a la grâce de Dieu. Donc, tu dois prier, même dans ton mariage, pour que ta belle famille te croie. Tu dois prier, même dans l'église, frères et sœurs. Et l'essentiel. Je n'ai pas dit le minimum. Je n'ai pas dit le minimum. Et l'essentiel pour vivre. La sagesse de celui qui n'a rien pose problème. Bon, moi je suis pasteur, je peux quand même dire. Hein? J'enseigne. Et parce que nous devons prier pour ça. C'est pourquoi Dieu doit nous bénir. Raison pour laquelle Dieu aime chaque fois nous bénir. Parce que Dieu sait que. Comment? Ou pasteur. Tu es pasteur. Yo yo yo. Ah, ça serait difficile. Tu sers Dieu. Tu pries. Les mains sont guéries. Les gens sont délivrés. Cinquièmement, ce que Dieu est capable de donner, Dieu nous donne dans la vie ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Alléluia. Amen. L'homme peut te donner l'argent, mais il ne peut pas te donner la richesse. La richesse, c'est stable. L'argent est soumis à beaucoup de lois. Je ne suis pas dans un cours d'économie. Il y a les taux. Vous connaissez les taux d'inflation, de déflation, de ceci, les taux d'intérêt. C'est des problèmes. Le $100 de 2020 n'est pas égal au $100 de 2025. Donc, comment courir que $100 comme 2020 si tu n'avais pas bouffé ton argent de Léo, il est $100, il a $100. $100 n'ont pas la même valeur. Oh, on a somme à 100. Toi, tu lis là-bas, c'est écrit $100. Mais en réalité, il y en a 100. C'est quoi les Haïti? Il y en a 100. En réalité, les $100, c'est quoi? $60. On diminuait, c'est devenu maintenant, on dévaluait, c'est maintenant $100. Ok, je suis en 2050. Si tu attends encore cela, ou ta somme n'est pas qu'à 100. Tu values toujours le même 100. Ça n'est à quoi? $10. Ça sera valant de $10. Mais ça ne dit pas qu'à 100. Mais c'est écrit toujours $100. Pourquoi? Tu as dit. Parce que l'argent subit l'inflation. N'est-ce pas, madame économiste? Même la maison. Non, je garde dans la voiture. Je garde dans la maison. Il y a ce qu'on appelle les amortissements. La valeur dévalue. La maison peut encore dévaluer. Mais ce que j'aime avec Dieu, il donne la richesse en abondance. C'est-à-dire c'est toujours disponible et en quantité. Ça ne bouge pas. C'est pourquoi il parle de l'or et de l'argent. L'or et l'argent. Donc les économistes appellent ça les valeurs refuges. Voilà, les valeurs refuges. Ah, valeurs refuges. Moussé m'a pas qu'à vivre. Alléluia. Amen. Un peu d'économie. Hein? Ok. Cinquième chose que Dieu donne. Dieu peut te donner un défenseur. Un avocat. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Dans leur vie. Partout ils sont. Il n'y a personne pour te défendre. Oh, je suis venu t'annoncer que nous avons quelqu'un qui peut défendre notre cause. Dieu peut te défendre. Oh, il y a quelqu'un. On a formé des complots contre toi. On a détruit ta réputation. On a tout détruit dans ta vie. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Nous avons quelqu'un qui est capable de nous défendre. Même là où on n'est pas là. Alléluia. Amen. Job 19:25. Mettez-moi cette version dans Parole de vie. La version Parole de vie. Ou Semeur, si vous voulez. Il y a plusieurs versions de la Bible, mais j'essaie de lire. Ok, Parole de vie, PDV, effectivement. Là, ce verset dit ceci. Moi, je le sais. Mon défenseur est vivant. Et à la fin, Kule kumwisho, il se dressera sur la terre. Atasimama pa dunia. Acclame d'abord le Seigneur. Dans 8 secondes, quand nous préparons le message, dans 8 secondes, on dit, je sais que mon rédempteur, c'est comme ça que beaucoup de gens connaissent, hein? Je sais que mon rédempteur est vivant et il se réveillera le dernier. Mais remarquez ici, je sais que mon rédempteur, ça, c'est 8 secondes, 19, 10. Et moi, je sais que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Waouh! Donc, attends, mon enfant, Dieu, même si les gens font n'importe quoi, à la fin, il viendra te défendre. Oh, je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu vient de décider, il va te défendre. Là où on t'a détruit, là où on t'a accusé, là où tu n'as plus de défenseur, ton défenseur est là, il se lèvera. Et celui qui parle, c'est Job. Il est accusé par le diable. Aucun de ses amis ne le défend. Il y a des situations dans la vie. Même tes amis te lâchent. Ils te lâchent. Quand il y a la mort, quand il y a des problèmes, les amis ont lâché Job. Au lieu de le consoler, ils demandaient des explications chez Job. Dis-nous comment ce malheur t'arrive, toi qui étais l'homme le plus élevé. Job explique, il n'a plus de mots. Mais à la fin, il dit non, non. Je sais une chose. Je sais une chose. Mon défenseur, il est vivant. Il va s'élever de la poussière. Il va se dresser sur la terre. Oh, j'ai dit à quelqu'un, dans la situation que tu traverses, ton défenseur, il est vivant. Il va se lever. Je prie ce matin que Dieu se lève pour défendre quelqu'un que les hommes ont accusé. Que Dieu se lève pour défendre quelqu'un que les hommes ont abandonné. Que Dieu s'élève pour défendre quelqu'un qu'on a accusé à tort. Alléluia. Amen. Dieu va même plus loin. Il y a un verset qu'on avait appris à l'Écodim. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean 2, 1. C'est pourquoi il faut toujours passer aussi par l'Écodim. JPC, Écodim. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean 2, 1. La Bible dit, mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Point. Ça, c'est hypothèse. Il ne faut pas pécher. Point. Dieu ajoute, si toutefois, ça, c'est dans version, non, ici ne mets pas ses mains ici, mais remets-moi dans 8 secondes, 19-10. On va revenir à ça. Voilà. Mettez 8 secondes. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons qui? Un avocat si on parle d'avocat c'est qu'il y a un juge si on parle de juge c'est qu'il y a un tribunal si on parle de tribunal c'est qu'il y a des accusés il y a des plaignants. La logique doit tenir. C'est-à-dire, il y a toujours un tribunal où tu es au banc. À tort ou à raison. Le diable vient avec des preuves. Shetan ne quoi na violer les hommes. Pas les hommes, le diable. Shetan vient avec des preuves. Quoi na violer ça. Dieu, voici. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et toi, tu as dit, si quelqu'un fait ça, il mérite la mort. Et toi, Dieu, juge toi-même. Avant que Dieu ne juge, l'avocat se lève. Il dit, Dieu, dans ton tribunal, celui qui commet le péché mérite la mort. Mais la loi dit aussi, quelqu'un ne peut pas être sanctionné deux fois. Moi, Jésus, je suis mort à sa place. Quand je mourrai, il mourrait avec moi. Donc, il ne peut pas mourir pour la deuxième fois. Oh, et Dieu dit, l'avocat a tout dit, la séance est levée. Frères et sœurs, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu es abattu? Comme si c'est la fin du monde. Non, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous avons un défenseur. Nous avons un avocat. Nous avons aussi un Dieu qui donne des enfants aux stériles. Je disais que ici j'ai choisi les choses que Dieu donne, que les hommes ne peuvent pas donner. Bien-aimés, les enfants viennent de Dieu. Les enfants viennent de Dieu. Même si on fait l'insémination, c'est pas non, insémination. Fécondation in vitro. Ah, Dio. Kuleta uzazi ya. Ya shipa kupatana muke na mume. Ok, vous avez compris. Est-ce qu'il faut que j'explique? Docteur est où? Docteur est où? Docteur Eko wapi? Docteur Lydie est où? Ah, elle est de permanence. Qui peut nous expliquer ça? Nous avons tout facilité à Yvizuri. En une seconde. Utaki kato moja. Oui, Mose Mombete. Baba Mombete. Beba tiambe tiambe ya uzazi, fasi ingine. Ubeba na ya ingine fasi ingine. Bani ichanga fasi moja. Ok, de quoi les questions? Merci, j'explique rapidement. Napendo kifasiri ya kuara kabisa. C'est-à-dire qu'on peut prendre la semence. Banza ubeba tiambe tiambe ya uzazi. De quelqu'un. Ya mutu moja fulani. On va mettre chez une femme parce qu'il y a des problèmes entre les deux. Et à ce moment-là, la femme est fécondée in vitro. Où on met au laboratoire. Quand il y a une fécondation, maintenant on met dans le ventre de la femme. C'est ça qu'on appelle insémination. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle insémination. Dieu va naître insémination. Ça existe. Et quoi côté là? Mais dans tout ça, c'est lui qui donne la vie aux semences. Ce n'est que Dieu. Ne pas qu'à Mungu. Alléluia. Amen. Ce n'est que Dieu. Ne pas qu'à Mungu. Oh bien aimé, Pendoa. Faisons confiance au Seigneur. Mutumainie Bwana. 1 Samuel chapitre 2. Samuel kwanza sura ya pili. Verset 1. Samuel Okwanza, chapitre 2, Suraya Keyapili. Anne pria et dit, Anna Kaomba Akisema, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Moyo wangu na furaki ndani ya Bwana. Ma force a été relevée par l'Éternel. Na nguvu yangu iliniinuliwa tena kupitia Bwana. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Kinywa changu kinafungua sasa mbele ya adui. Car je me réjouis de ton secours. Sababu na furahishwa na usaada wako. Ça c'est Anne. Huyu ni mama Anna qui prie le Seigneur. Eko na muomba Bwana. Et il dit, Verset 5 et le suivant. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donc Dieu donne les enfants même aux stériles. Quelqu'un est déclaré stérile. Dieu est capable ce matin de lui donner des enfants. Et pendant que je parle, si tu es dans ce cas, reçois ton miracle. Alléluia. Amen. La septième chose, Kituyasaba, Dieu donne des successeurs. 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4, on ne va pas lire. 1 Roi 2, 4, très sûrement. 1 Roi 2, 1 à 4. 1 Roi 2, 1 à 4. Dieu a promis à David de lui donner un successeur. Il y a des gens qui meurent et après eux, il n'y a plus rien, ça s'arrête. Non, non, ça ce n'est pas Dieu. Quand on est avec Dieu, Dieu donne toujours un successeur. Ma prière ce matin, pour tous les enfants de Dieu, même après toi, que ton nom ne soit pas enterré, que Dieu donne des successeurs. Bien-aimé, reçois ça par la foi. Vous savez, il y a certaines choses, hein, quand Dieu est en train de les dire, quand Dieu est en train de les dire, il faut les prendre comme ça. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, et s'ils observent mes voies, tu ne manqueras jamais de successeurs sur ton trône. Ça, c'est la promesse que Dieu avait faite à David. Tu ne manqueras jamais, jamais de successeur. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais Dieu va s'arranger pour que la lignée de David, oh, ça j'aime le Seigneur. Il y a eu des problèmes. Adonijah d'abord voulait prendre le pouvoir. On a dit non, ce n'est pas lui, c'est Salomon. Salomon a pris le pouvoir. Et Salomon lui aussi, il a créé des problèmes. Dieu était fâché, mais Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait le royaume de Roboam et de Jéroboam, de façon que la lignée de David garde la succession selon la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, même quand tes enfants feraient des problèmes, que le Dieu que tu sers ne manque pas de t'accorder un successeur. Alléluia. Amen. Que ton nom ne soit pas enterré. Ton nom ne se perdra pas. Tu auras toujours sur cette terre un successeur au nom de Jésus-Christ. Huitièmement, Dieu donne un protecteur. Dieu s'est protégé. Il nous donne la protection. Vous connaissez le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que mille tombent à ta droite, 10 000, tu ne seras pas atteint. Dieu sait protéger ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Neuvièmement, Dieu donne la paix. Actuellement, beaucoup de gens vivent sans paix. Sans paix. Bila salama. Écoutez, on ne peut pas parler de la paix s'il n'y a pas la guerre. Si Dieu parle de la paix, c'est que Dieu prévoit qu'il y aura la guerre. Quand on parle de la guerre, il y a deux guerres. Il y a la guerre extérieure. Il y a la guerre intérieure. Mais il y a des gens qui subissent les deux guerres. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Ils ont besoin d'une double portion de paix. C'est pourquoi nous prions pour nos frères qui sont à l'est. Que Dieu leur donne la paix. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des gens ici. Dans leur vie, il n'y a pas de paix. Il travaille, mais il n'y a pas de paix. Il sert Dieu, il n'y a pas de paix. Il est dans le foyer, il n'y a pas de paix. Il est dans le business, il n'y a pas de paix. Jésus nous dit dans Jean 14, la paix que je vous donne, le monde ne peut vous la donner. Frères et sœurs, il n'y a que Jésus capable de nous donner une vraie paix. N'attends pas la paix des hommes. N'attends pas la paix des hommes. La vraie paix, il n'y a que Jésus qui la donne. Ton cœur sera en paix. Quel est le signe qu'on est en paix? C'est qu'au milieu de la guerre, tu es tranquille. C'est comme le bébé. Il vit dans la paix. Quelque chose qui se passe dans votre maison. Il dort. Il mange. Vous pouvez même vous battre à côté de lui. C'est votre problème. Son cœur est en paix. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de paix. Et ça, même ce matin, pendant que je priais, je suis encore convaincu que beaucoup de gens n'ont pas de paix. Ils ont une paix de façade. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de paix. Frères et sœurs, tant que tu n'auras pas la paix à l'intérieur, tu ne vivras pas normalement. La paix ne vient jamais de l'extérieur. Vous allez consommer de la bière. Vous allez au tour là, mais t'as pas de salam. Et après tu vas t'endormir, tu n'auras pas la paix. Il est saboulé vu Boutaïcha. Et après cette ivresse, le problème revient. Mambo, il n'a pas ta tena. Utakunywa shisha. Tu vas prendre du shisha. Vous connaissez le shisha, n'est-ce pas? Babiana, mon shisha. Ils ne veulent pas que j'en parle. Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Mon ayoua, visor gabista. Mais curieusement, de plus en plus, avant, ça, bien aimé, ces choses n'existaient pas. Ces choses n'existaient pas. Maintenant, on les rend telles, on les rend même officielles. En tout cas, dans certains restaurants où je parle à Kinshasa, des restaurants, même à Lubumbashi. Même des endroits où on prévoit que les gens prennent le shisha. Avant, Et puis je sors, je dis non, j'ai envie de m'asseoir au balcon. Comme ça j'ai une bonne vue. Non, au balcon c'est qui la balcon, qui la monte, kokota. Ah, na matio mulef. Avec des longs tuyaux. Ça ma pipe. Partout. Fashion. Je m'appelle, c'était quelque part un jour quelque part. Mais quoi, fashion y a ivi. Tout le monde prenait sauf moi, même je ne pouvais proposer. Na kokota, pas de mire. Oh. My brother, you cannot take. Tu peux pas prendre aussi quelque chose. Partout. Qui la monte? C'est devenu officiel. Il n'a quoi y aller que Julika na sasa. mais ça ne donne pas la paix. Ça te réjouit seulement un peu. Mais après, tu rentres dans les mêmes problèmes. Mais la vraie paix que Jésus nous donne, le monde ne peut nous la donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu parle de la paix. Jésus veut nous donner la paix ce matin. Dixième par où on va s'arrêter. Dieu veut donner un homme qui a droit de rachat sur ta vie. Ruth chapitre 4 verset 14, on va lire, on va terminer par là. Ruth 4, 14. Ruth 4, 14. Chapitre 4. Ruta surekeya. Ine. Ruth vient juste après juge, entre juge et Samuel. Oui, je suis là. Ok, au tableau. Les femmes dirent à Naomi. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme et en droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Je vais expliquer, peut-être que vous ne comprenez pas. Voilà, papa Jano est là. Un jour, on était à Dakar. Nous sommes partis visiter l'île de Gorée. Et c'est vraiment un site touristique. Là, on faisait la traite des esclaves. Et on nous expliquait, vous passez toute la journée là-bas. On nous expliquait comment on achetait les noirs qui venaient de partout. Hier, j'ai beaucoup prié pour mon nom. J'ai trouvé à Dakar des Mbaye. Et chaque fois que je disais Mbaye, on disait, ah, tu es Sénégalais. J'ai dit, non, je suis Congolais, de grand-père et de grand-mère. Alléluia. Alors, on faisait le tour sur l'île de Gorée. Il y avait des endroits où, quand on amène les Noirs, ils étaient. Ils avaient des sets. Des chaînes. Et on devait les faire passer dans un couloir très réduit pour les mettre sur les navires juste en face de l'océan Atlantique. On appelait ça le couloir de la mort. Il n'y avait que deux choix. Soit tu montes dans le bateau, tu pars, soit tu refuses, on te tue. Donc, quand tu arrives là, il n'y a plus de choix. Mais dans l'île là, il y a des monastères. Et on nous explique qu'il y avait des mumpe à l'époque. Quand ils voient une bonne dame ou un bon jeune homme, ils vont payer pour acheter l'esclave pour qu'il travaille pour eux. C'est ça le rachat. Et c'est ce que Jésus a fait. Quelqu'un qui est esclave de tout et le propriétaire. Quand on est esclave, on est une marchandise. Le propriétaire fixe le prix. On nous disait, on regarde la bouche, on regarde les aisselles, on regarde les pieds. Si tu es bien, on t'achète. On regarde la forme du corps. Et beaucoup de religieuses ont racheté plusieurs esclaves. C'est comme ça, peut-être qu'un ancêtre Mbaye s'est retrouvé acheté et bloqué là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous retrouvons certains noms là. La même chose du côté de Gorée. La même chose du côté de Zanzibar. Les deux endroits du moins en Afrique où il y avait la traite des esclaves. Mais il fallait que quelqu'un puisse racheter, acheter l'esclave. Il fallait et il fallait payer le prix. C'est comme ça que ces femmes ont dit à Ruth. En fait, Ruth était esclave. Mais on n'a pas compris comment Ruth est devenue reine. Elle est venue en Israël. Elle est venue en Israël. D'une famille de malédiction. De Moab, de la tribu de Moab. D'abord, la tribu est maudite. Et puis, elle est revenue veuve. Donc, deux problèmes majeurs. Ruth elle-même ne pouvait pas les résoudre. Quand elle arrive en Israël, elle n'a ni père. Ni mère, ni ami, ni connaissance. La seule chose qui lui restait, c'était l'Éternel. Frères et sœurs, aujourd'hui, la seule chose qui te reste, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne. Là où tu es maudit, tu es esclave. Esclave du péché, esclave de la pauvreté, esclave des hommes, esclave de la sorcellerie. Il n'y a personne qui puisse t'aider. Alors en Israël, il y avait Boaz. Celui que tu rachètes doit avoir deux grandes caractéristiques. La première, il doit être très puissant. Et la deuxième, il doit être très riche. C'est comme ça que Boaz s'est porté garant pour racheter Ruth. Mais pour l'acheter, il fallait parler au peuple. Il va trouver les anciens. Et dit, voici cet esclave. Qui va l'acheter? Personne n'a répondu. Oh frères et sœurs, nous étions abandonnés. Nous étions errants. Personne ne pouvait nous supporter. Personne ne pouvait nous accepter sur cette terre. Jusqu'au jour où Jésus-Christ, il est descendu, il est venu, il a dit lui-même, qui va prendre le péché de ce frère, de cette sœur? Il n'y avait personne. Jésus s'est levé. Boaz s'est levé. Il a allé sa chaussure, il a mis au village, il a dit, puisque vous toutes vous avez refusé, moi Boaz, voici mon témoignage, la chaussure est là, parce que c'était ça le signe, ma chaussure est là, j'achète cette femme. Ruth à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus Moabite, je l'épouse, elle fait partie de ma tribu, elle fait partie de ma famille. Frères et sœurs, Dieu t'a pris Kachokwe, Muswahili, Muluba, Mukongo. Il t'a pris. Il a fait de toi quelqu'un de sa tribu pour qu'aujourd'hui la malédiction liée au Baluba ne te touche pas, liée au Swahili ne te touche pas, liée au Bakongo ne te touche pas, liée au Rum ne te touche pas, liée au Chokwe ne te touche pas. Dieu nous a rachetés. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et toi, ce matin, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? C'est simple. Même si le diable a tout détruit, même s'il a tout détruit, Même s'il a tout pris, ce matin, tu es capable de te restituer. Il est capable de te restituer. Tu manques la paix, il est là. C'est le prince de paix. Il va te donner la paix. Tu manques les enfants, il est là. Il donne les enfants. Même celle qu'on appelait stérile aura des enfants. Tu es là, tu manques de joie, il est là. La joie a manqué à Cana, il a donné la joie. Tu es là, tu manques de défenseurs. Peut-être que vous connaissez ma famille, frères et sœurs, il est là, il sera ton défenseur. Toi aussi, tu régneras. Tu n'as pas d'avocat, tu as des problèmes au tribunal. Il est là, il est ton avocat. Frères et sœurs, qu'est-ce qui te manque ce matin? Ne te plains plus. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Ferme tes yeux maintenant. Ferme tes yeux maintenant. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Il est capable. Il est capable. Mais nous avons un Dieu. Je voudrais qu'on monte en prière. Frère Yannick, venez. Nous allons monter en prière. Bien-aimé, Dieu est capable. Il est capable ce matin. Il est capable ce matin. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Oh bien-aimé, le Dieu de la restitution. Et il donne en abondance. Je ne connais pas la définition de l'abondance. Mais je sais une chose. Quand il y a abondance, c'est qu'il y aura toujours disponibilité et en quantité suffisante. Oh, je prie, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de récupérer tout ce qui nous manque, tout ce qui nous manque, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Ce matin, on a passé toute une semaine, mais maintenant là, Dieu veut remettre dans ta vie ce qui te manque. Tu manques la paix, il donne la paix. Tu manques la joie, il donne la joie. Tu manques l'amour, il donne l'amour. Tu manques les enfants, il donne les enfants. Tu manques la nourriture, il donne la nourriture. Mais qu'est-ce qui te manque? Oh, la Bible nous dit, il nous donne avec abondance. Mais mettez-moi le psaume 2, 7 à 9. Nous lisons ce psaume et nous entrons en prière. Chacun va prier selon son besoin, selon ce qui lui manque. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils qui t'es engendré aujourd'hui. Demande-moi, wow, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Le verset 8, souvent je prie avec ça. Et Seigneur, si tu peux donner à quelqu'un les nations et les extrémités de la terre, est-ce que tu auras des problèmes à me donner de la nourriture? Est-ce que tu auras des problèmes à me donner la paix? Frère, la paix ne vient pas de l'ONU. La paix ne viendra jamais de l'ONU. Je n'ai pas vu un endroit où l'ONU a donné la paix. La paix vient de l'Éternel. Parce que les cœurs doivent changer. C'est Dieu qui change le cœur. L'ONU ne peut pas changer le cœur. Les hommes ne peuvent pas changer le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Bien-aimé, ce matin, ton cœur a des problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix. Tu n'as pas de paix dans ton travail. Tu n'as pas de paix dans ta maison. Tu n'as pas de paix dans ta vie. Mais ce matin, le prince de paix est là. Quand les apôtres se sont enfermés dans leur maison par peur des Juifs, Jésus est venu leur dire, recevez la paix. Je dis à quelqu'un ce matin, reçois la paix, reçois la paix, parce que le prince de paix, il est là ce matin, il donne la paix. Tu n'as pas d'enfant, reçois les enfants au nom de Jésus. Même la stérile va enfanter cette fois. La stérile peut avoir sept enfants au nom de Jésus. Tu n'as pas de joie comme à Cana. La joie a manqué. Heureusement que Jésus était là. Ce matin, Jésus est là. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas de joie à cause des problèmes. Ils n'ont plus de joie. Ce matin, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il donne la joie. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont plus de défense. Ce matin, il y a un défenseur. Il s'appelle Jésus. Il y a des gens qui vivent, ils n'ont plus d'avocat. Ce matin, il y a un avocat. Il s'appelle Jésus-Christ. Il guérira papa, papa, la oh, élève, toi, on commence à prier. Oh, merci Jésus. Oh, oh, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Oh, merci Jésus. Oh, il est là. Il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même si le diable a tout détruit, mais ce matin, le Dieu de la restitution, le Dieu de la restitution, il restitue, il redonne de nouveau. Seigneur, ce matin, ce matin, agis. Il est là. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là. Il est là. Jésus, soki na taleli yote Zambalo le Zambalo la tobe soki tobele liote tobele la nani e Zambalo le soki totale liote totale la nani e Oh, alléluia. Tu ne manqueras même pas de successeurs dans ta vie. Mais me sois concentré, je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la salle. Il y a des gens que Dieu veut visiter ce matin. Tu pleurais parce que tu manques beaucoup de choses. Dieu est décidé ce matin de te restituer. Alléluia. Alléluia. Oui, il est là, il te touche. Tu es en train de toucher quelqu'un qui n'a plus de paix, qui n'a plus de joie, qui n'a plus d'enfant, qui n'a pas de successeur. Même la richesse, Dieu donne. Dieu est en train de racheter les esclaves. Esclaves de la sorcellerie. Esclaves de puissance des ténèbres. Ok, nous sommes toujours en prière. Comme on a fait la semaine, je vais bénir la table. C'est une table de restitution. Je vous remplacerai les années dévorées. Je vous restituerai. Et nous voulons manger cette table dans un esprit où Seigneur, Marc 11, 24 dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et Psaume 2, 8 nous dit demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Qu'avec la table de ce matin, que Dieu te donne ce que tu vas lui demander. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne ce que tu vas lui demander. Comme on l'a fait en semaine, nous sommes en train d'atterrir aujourd'hui. Nous voulons et faire la table et faire nos vœux. J'ai dit que cette semaine, ce n'était pas des offrandes simples. C'est des vœux que nous faisons à Dieu. Prends ton enveloppe là où tu es. On ne peut pas. Le vœu supposait trois choses. L'autel. Mazabao. Le sacrifice. Et les paroles. Kisha na misemo. Tu vas parler. Utasema. Tu dis Seigneur, avec mon vœu de ce matin. Bwana na kiapo yangu asubuhi ya leo. Donne-moi ceci. Unipatie donne-moi cela. Unipatie hiki. D'abord, nous allons parler. Anja tuta sema. Et après, nous allons passer et à la table et au feu. Et on va laisser la chorale nous emballer dans l'adoration. Après, nous donnerons encore un peu d'espace à la chorale avant de nous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille où? Maman, elle vous dit. Il y a moyen de mettre notre panier ici. Si tu n'as pas d'enveloppe, lève ta main, on te donne une enveloppe. Toute la semaine, une semaine merveilleuse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est aujourd'hui dimanche à midi que nous sommes à Saloula. Ah. Mais pour l'épaule, si tu démarres à la sixième vitesse, Micheline, il y a une main qui est levée ici. Enveloppe. Trouvez des enveloppes. Rapidement. Il y a des mains qui sont levées. Oh, Albert, faut aider Micheline rapidement. Trouvez-moi des enveloppes. Ok, nous allons prier. Prends ton enveloppe, parle-lui. Prends ce que tu vas mettre dans le panier, parle. Bien-aimé, on a compris que dans le monde spirituel, c'est une question des alliances et l'alliance se fait avec des paroles. Élève ta voix. Parle. Demande à Dieu, il te donnera les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et pendant ce temps, je bénis la table. Seigneur, tu nous dis que la coupe, le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps de Christ? Le vin que nous buvons, n'est-il pas communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est une coupe de bénédiction. Je prie pour cette table, que ce soit une table de restitution. Ce qui nous manque dans notre vie, la Bible me dit dans 2 Pierre, le chapitre 1er, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donne-nous, Seigneur, ce matin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons besoin de la joie. Nous avons besoin de la santé et de la vie. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de la protection. Nous avons besoin d'un défenseur. Nous avons besoin d'un avocat. Nous avons besoin d'un successeur, même après nous, que nos noms ne soient pas effacés de la terre des hommes. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de quelqu'un qui a droit de rachat, qui peut nous racheter là où on nous garde comme esclaves. Oh Seigneur, sur toutes ces 10 choses, nous avons besoin. Et la seule personne qui peut faire ces choses, c'est toi. C'est pourquoi je prie que la table de ce matin soit réellement une table de restitution. Bénis tes serviteurs. Bénis tout ce qui va s'approcher de cette table avec sincérité. Que ta grâce soit sur lui. Je bénis et je sanctifie cette table au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons passer, comme on a fait en semaine, on n'a pas le temps de distribuer. Nous passerons, tu mets ton vœu, tu manges la table, tu rentres à ta place, tu pries le Seigneur. Alors je vais demander juste aux anciens qui vont nous aider, Elvis et si on est ici, ici avec moi, pour aider les gens, pour la table. Enlever d'abord les nappes. Oh, merci Jésus. La chorale, maintenant, que Dieu vous bénisse. Amenez-nous dans une adoration et puis on va continuer après. Salut. bokani. Hey Yahweh, Yesu yobonga. Amen. ti mi lolo alleluia amen alleluia amen amen abeti maboko alleluia Bénis-le, bénis-le, oh mon âme, la puissance dans le nom de Jésus. Oh oh oh. Oh, Yesu aku mama, nabo moi naga. Yesu aku mama lelo. Ole. Na sapo, hey yeah. Très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse le frère Yannick. Il vient de Kinshasa, il a un travail à Lubumbashi. Alors, que Dieu te bénisse d'avoir accepté de faire un crochet parmi nous. Nous voulons accueillir nos visiteurs, c'est votre première fois. Vous voyez chanter, danser, c'est pour le Seigneur. Quand la folie nous saisit, nous chantons pour notre Dieu. Que ce Dieu-là soit aussi votre Dieu. Si c'est votre première fois, levez la main là où vous êtes, nous voulons vous accueillir. Nous avons un frère. Il y a quelqu'un d'autre. On a aussi un autre frère ici. Il y a aussi un autre frère là-bas. Est-ce que vous pouvez vous lever? On veut vous accueillir. Levez-vous, levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour eux? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous voir au milieu de nous. Si vous n'avez pas d'endroit où prier, venez prier le Seigneur avec nous. Nous aimons le Seigneur et nous le servons dans la vérité. Amen. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Venez ici devant. Il y a des frères qui vont parler avec vous. Nous donnons le programme de la semaine. Lundi, nous avons des secteurs. Chaque secteur connaît là où il prie. Ceux qui habitent le centre-ville et 40 maisons chez les artisans, chez le frère Olivier. Ceux qui sont à Chitourou, c'est chez Papa Jules Nimbo. UCS, SNCC, ici à l'église. Et quartier mission, nous sommes chez Papa Eric et Maman Fifi sur Changalele. Alléluia. Amen. Anniversaire. Nous avons plusieurs anniversaires. L'enfant Mehdi Founta. Toto Mehdi Founta. Il est où qui fête son anniversaire? Il est là, est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager? Mets-toi là. Que Dieu te bénisse. Il y a eu deux autres anniversaires au courant de la semaine. Jacques Guil est très loin, il n'y a pas de problème. Tu peux marcher quand même ici. Qui a fêté son anniversaire, Guy Seba. On va prier pour toi. Venez ici. On acclame le Seigneur, on encourage. Et il y a aussi Maman Pasteur qui a fêté son anniversaire. Maman Pasteur n'a qu'à nacherer aux alliés. Le premier tout sonné le même jour. On peut acclamer le Seigneur pour l'encourager. Oh, gloire au Seigneur. Anniversaire pour quoi nous jeûnons et prier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fêté l'anniversaire en semaine? Il est là. Voilà mon ami. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Vous avez droit à la récupération. Hé, Voilà. Venez, venez, venez. Viens, oui, maman. Oui, et tout. Wow. Donc, tu as tout coupé en boucle à mon anniversaire. Venez, on va prier pour. Il n'y a pas d'autre personne. Akuna Bengine. Qui d'autre? Nan venez, Mungine. Maman. Oh. Mukuye. La prière. Voilà, venez. Wow. On acclame, on les encourage. On les encourage. Ya kwa dila kwa tia kias. Voilà, on a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Avril, il y a ma maman. C'était pour les mamans. Ok, on bénit le Seigneur, on les encourage, on prie pour eux, nous les bénissons, nous bénissons leur vie, que Dieu les accompagne cette nouvelle année, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons les serviteurs et servantes. Seigneur, pour leur anniversaire, que ta grâce les accompagne. Soutiens-les, veille sur eux, Seigneur. Fortifie-les, protège-les. Que cette nouvelle année soit une année de faveur. Une année où tu fais de grandes choses. Une année où tu restitues de grandes choses. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne chantez pas pour les gens. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux rentrer à leur place. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Merci, maman. Nous donnons le programme de la semaine. Mercredi, nous avons culte d'enseignement. Soyons là. Et vendredi, nous avons mariage. Ce vendredi à 17h, nous allons bénir le mariage dans l'église. Nous allons... Nous essayons de nous adapter, mais on va conformiser ça. Avec le temps. Parce qu'on m'a dit que dans les communes maintenant, il n'y a pas de mariage samedi, c'est ça? Il n'y a pas de mariage samedi, un mariage civil. On fait vendredi. Bon, voilà. Nous allons essayer d'uniformiser toutes ces choses-là. Ce vendredi, nous bénissons le mariage. La sœur Rebecca et le frère Élisée. On les a présentés il y a une semaine. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont partis déposer les invitations dans le monde entier. C'est important. Mais vendredi, après le mariage civil, ils viennent en Béli ici. Et le mariage religieux. Chorale, soyez là. De toute façon, c'est vendredi, c'est un culte. Nous voulons les bénir. Alléluia. Amen. Avant de terminer, je vais présenter aussi un couple qui va se marier. Un enfant de la maison. Crispin, enfin, il décide de se marier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Chati, Chati est où sa fiancée? Dada Chati est quoi? Est-ce qu'on peut l'encourager? Et tu n'as pas piqué à Kofi. Est-ce qu'on peut les encourager? Et tu n'as pas Est-ce qu'on peut les encourager? Et tu n'as pas piqué à Kofi. Oui, on peut les encourager, on peut les encourager. Te pega yo Alléluia. Amen. Il faut bien les regarder. Mumaisha muntu anakaka na mama ungu ya mingi. La vie une personne a de plusieurs corps. Kuma mama ungu ya buyana. Il y a un moment là, il est jeune. Mama ungu avant mariage. Avant aussi d'arriver au mariage. Mama ungu après ma mariage. Et après aussi le mariage. Na mama ungu kama tunakomea. D'autres corps là, on paraît comme s'ils sont devenus grands. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut toujours bien garder les photos. Comment il n'a pas, chakutunga muzuri. Un bon moment, tu mets toutes les photos là. Wakati moyo na bebele ma picha yote. Et tu bénis le Seigneur. Na nanja kubariki bwana. Pour le travail qu'il fait. Donc vous les regardez bien. Mubangarie muzuri. Bientôt après le mariage. Kisha tena ndoa. Vous allez voir que ça va changer même le shit. Ça sera un autre Crispin. Voilà. Donc nous les bénissons, nous leur donnons des conseils. Nous nous préparons en fonction de la date qui nous sera fixée. On va vous communiquer. Et pourquoi nous le faisons? Nous encourageons nos jeunes gens à l'église de faire des choses correctement. De toute façon, nous avons prié cette semaine, on a détruit beaucoup de choses. Et Dieu va nous aider. Pendant qu'ils rentrent à leur place, acclamons le Seigneur. Malade, le mari de Maman Bealoukoussa est hospitalisé à Milumba. Passons le voir et l'encourager. Mardi, vous dites? Mardi après-midi, nous avons prière. Tous ceux qui construisent le groupe là, on avait dit que les gens devaient prier. Et aussi tous ceux pour qui le prophète Jado avait prié mardi à 16h, on se retrouve pour la prière. Prière matinale, n'oubliez pas de venir le matin, chaque jour, de 6h à 7h, nous avons prière. Venez passer de bons moments avec le Seigneur pour recommander nos journées. Donc nous recommandons cette semaine entre les mains de Dieu. Dimanche prochain, c'est le 13, c'est ça? Le 13 avril, c'est le dimanche de Rameau. Le dimanche de Rameau, nous allons nous mettre déjà en mode Pâques. Donc à partir de dimanche prochain, nous nous mettons en mode Pâques et nous allons vous donner le programme de la Pâques. Nous nous préparons déjà pour ça et que le Seigneur puisse nous assister. Deuxième communication, à partir de mardi, il y a un formateur qui vient pour les choristes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, nous avons une formation avec tous les choristes à partir de mardi. Le frère Chris sera là. Vous allez travailler ensemble jusqu'à samedi. Donc, voilà le programme de la semaine. Soyez seulement attentifs. On va vous donner le calendrier. Il arrive mardi. Et déjà mardi, vous commencez. Il va dormir à l'Ikasi jusqu'à samedi et vous constituez un programme de travail. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous aider à faire de mise à jour pour la chorale. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme communication. Et que Dieu bénisse toute l'Église. Pendant toute la semaine, nous sommes là, nous avons été là chaque jour, faisant la table, faisant nos vœux, priant le Seigneur pour plusieurs choses, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et je suis convaincu qu'après cette semaine, la pluie va tomber dans la vie de plusieurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a écouté nos prières. Nous nous tenons debout. L'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous dans tous les domaines de votre vie. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.